Prends ma vie en plagiat, raté, je prends de l'argent. Compris que la vie c'est pas de pute, que tu montes dans un clagé. Prends ma vie en plagiat, raté, je prends de l'argent. Compris que la vie c'est pas de pute, que tu montes dans un clagé. Le ciel est ombragé, demande plus qu'on peut nager. Métaphore pour tous tes morts, j'envoie un val de dragé. Ma mère m'a dit, pardon derrière, faut fuir avant que l'on se fâche. Je sais qu'un ami va me trahir avant même qu'il le sache. Et tu dors bien chez toi le soir, crois-moi, ça n'a pas de prix. Comme si à commission 120 poteaux, y'a que toi qui n'ont pas pris. J'ai tout niqué, braqué, j'ai rien gardé, mon frère, j'en suis la preuve. Être dans la rue, c'est recevoir d'amour dans les bras de la peur. De nature, je fais pas la teuf. Si chez moi ça tabassait, si tu savais psychologiquement tout ce que j'ai traversé. J'ai fait péter le jour où tu veux dire que ma j'arrête. On a rêvé de la retraite d'une grande manette. Je traîne avec des gauches chelous, des gars pas nets. Qui pourrait être braqué avec une arbalète. On est monté sur tous les plans. C'est vrai que ton manager, ça prend ta crypto, t'as la jam. Y'a pas que l'hiver comme élégant. J'ai un calibré, un cœur. Mon meilleur ami, c'est la peur. H24 à l'affût, j'ai beaucoup côtoyé la rue. Y'a plus de cello, on prend de la luge, j't'accompagne, tire au guichet. Hiver était postiché, cherche à mettre des grosses carottes. J'traîne avec un god miché, j'ai mes lunettes, y'a pas de soleil. Ça en est très peu de sommeil, depuis que les poucaves courent les rues. Les murs ont des grandes oreilles, t'es sur les dents comme l'âge. J'remonte la pente comme l'âge, des fois la vie c'est pas juste. On loupe pas grave, on a juste container dans un cargo. Avoir des couilles en fardeau, j'suis bien relou, jamais j'te lâche comme une brigade de tarmo. Ferme nos bouches, on nage, j'ai un box à tes max bâché. La crime démarre la machine, pour la capu, la gâchette. Je te fais péter le jour. Où tu veux dire ma j'arrête. On a rêvé de la retraite d'une grande manette. Je traîne avec des gauches chelous, des gars pas nets. Qui pourrait être braqué avec une arbalète. On est monté sur tous les plans. Ça inquiète ton manager, ça prend ta crypto, ta ledger. Y'a pas de clivère comme élégant. J'ai un calibré, un cœur. Mon meilleur ami c'est la peur. Tu te fais péter le jour où tu veux dire ma j'arrête. On a rêvé de la retraite d'une grande manette. Je traîne avec des gauches chelous, des gars pas nets. Qui pourrait